Ça y est, donc Nuisance commence en douceur. C'est les vacances. From Jazz to Jazz n'était pas là, donc je me suis permis de prendre l'antenne à peu près 2 minutes et 30 secondes à l'avance. Voilà. Donc, je vous présente l'œuvre intitulée FJT Espérance, donc le foyer des jeunes travailleurs Espérance à Toulouse même, enregistré dans la cave de ce dit foyer. Une session en 2008. Incongru, tout à fait quelque chose de pas vraiment. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Vous êtes les malvenus, évidemment. Comme je vous le dis, donc, nous sommes le 12 août. 2016, le 12 août 2016, vendredi de 21h à 23h, tous les vendredis, Nuisance, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95, une adresse le 42 40 Alfred Duméril, rue Alfred Duméril. Oh, les vacances se font sentir, vivement le retour au travail. Un site le www.canalsud.net. Toulouse, France. Thank you. Oh, Thank you. perhaps of all this pleasure, so as to ring safe, cracking the way out of where I'm mean. Shit though, death don't matter, so as to die again once more. Fucking death and the whole goddamn tunneling visions of the goddamn damned, I mean, yeah, sure. De là-bas à ici, les démences. C'est pas comme si ça voulait vraiment dire quelque chose. L'indisant quelque chose, non? Mais bon, juste la voix, jusqu'au trou, au fond du trou, mortelle annonce. Infernal gifting of non-quality, so as to spare an expensive ivity, as an expense, give it away, up, up, and away, damn it, die, cool, you're both dead. Now I can burn down the shit. Good luck, fucks. Monsieur Patate n'est pas content. Merde. You know what I mean? Who cares anyway? Goddamn, that's we're all gonna die. You know what I mean? Who cares anyway? Fuck it, you know. Fuck it, that's we're all gonna die. You know what I mean? Who cares anyway? Fuck it, yeah. Fuck it, fuck it. We're all gonna die. You know what I mean? Who cares anyway? Fuck it, yeah. Fuck it, fuck it. We're all gonna die. You know what I mean? Who cares anyway? Hush, man. You're going insane. Hush, man. You're going insane. Hush, man. You're going insane. Hush, man. You're going insane. Hush, man. You're going insane. Ouais, c'est clair. L'usance, c'est pour les nuls. Et les nuls savent qu'ils sont nuls. Ils sont pas si nuls, du coup. Mais ils sont pauvres et cons, comme dit le dicton. Et nos têtes, les têtes qui composent l'humanité. Hormis les pauvres cons, bien sûr. Mais ces têtes-là, est-ce qu'elles ont des têtes? Est-ce qu'elles ont des cerveaux? Je veux dire, est-ce qu'elles ont une intelligence? Est-ce qu'elles ont peut-être la prescience? Je sais pas, il y a une intuition à avoir quand on veut vraiment faire quelque chose de ses deux mains. Et de son cerveau aussi, parce que c'est pas sûr que... on va vraiment marquer le terrain ou le territoire comme ça, quoi, je veux dire, c'est pas comme si... C'est pas comme si ça changeait quelque chose, il paraît, hein. Il paraît que ça change rien, ça change pas, tu vois. Là, non, c'est pas le changement qui importe. C'est vers quoi on change. Parce que changer ça, oui, vaut mieux, ouais. Vaut mieux l'accepter. J'ai cru entendre, j'ai cru ouïr quelque part que le changement est

certain nombre de degrés Celsius et centigrades, donc Fahrenheit ou Fahrenheit. On est plutôt dans le Celsius, alors on va continuer à déblatérer toujours des âneries, car les âneries sont faites pour les ânes, n'est-ce pas? Et moi, ben, je suis un pauvre con. Voilà. Donc je suis sûrement un âne, étant mal éduqué, mais ça c'est ma faute, c'est entièrement tout est de ma faute. Je veux dire, je suis un défavorisé, ouais, j'ai pas eu de chance. Donc, la chance, vu que ça se fait pas, quoi, je veux dire, c'est comme si je pouvais genre claquer les doigts comme Gontran Duck, qui a de la chance, qui a beaucoup de chance, mais il est tellement bête, bon, tant pis pour lui. Mais je dois pas être très loin de lui en termes de bêtises, puisque je suis, je vous le répète, un pauvre con. Je vous le répète encore une fois, je me sens humain, je me sens faible et fragile, je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je me sens faible et fragile. Merci. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je me sens faible et fragile. Merci. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je me sens faible et Merci. Fragile. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas. Je me sens faible et fragile. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas. Je me sens faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas. Je me sens faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas. Je me sens faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas. Je me sens faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas sans faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas sans faible et fragile. Disons que je n'aime pas tout. Quoi. Je me sens vulnérable, je me sens humain. Pauvre con. Je vous aime pas sans faible et fragile. Disons que je n'aime c'est pas ce tout. Qui est. Ainsi ces choses tournent mal. Le mal se fait, c'est ainsi, ainsi. T'es celui comme ça, toi. Voilà, t'es comme ça, toi. Et tu vois de travers, traversant des ombrages. On t'a pas attendu pour être ainsi. On t'a pas attendu pour être ainsi. On t'a pas attendu pour être. Évidemment. Nous avons trouvé le problème, mais la solution, évidemment, nous de avons rien. Trouvé le problème, mais la solution, commencer une histoire en ne sachant évidemment, la fin nous de avons rien. Trouvé le problème, pourtant le pendant la solution, pendant de commencer une histoire en avisant évidemment, pendant la fin nous de avons rien. Trouvé le problème, pendant pendant mais la pendant solution, pendant pendant évidemment, pendant ce temps, mais pendant histoire, ce temps, navisa pendant pendant ce temps. Navisa pendant le pendant pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant pendant ce temps. Navisa pendant pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Pendant pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Pendant pendant ce temps. Navisa pendant le pendant ce temps. Pendant pendant ce temps. Navisa pendant ce temps. Pendant pendant ce temps. Navisa pendant ce pendant ce temps. Pendant pendant ce temps. temps confiant découle pour mieux recouler ensuite, pour bien commencer, finir à travers le corps, quoique la voix est normalement loi. Et moi je t'espionne en secret. Je prie toujours le monde entre mes génifiques. Immobile, exhumé du rouge. J'écoute de mes rêves, moi ça me fait un drôle de feu. Quoique imperturbable, de penser à ce que mon parfum relent de parfum. Toute la vie sans rêve, balzénier. Vous êtes la science, chère essentielle comme extrait. Ne t'ai jamais dit je t'aime. Thank you. Connard. Sentiment. Johnny, take it from my mother. Take it from me, take it from my mother. La durée de l'instant. À la ligne. Je préfère éviter de stigmatiser le thème. D'abord, point à la ligne. Je lève la terre en signant du thème qui est stigmatisé. Quoi et quoi. D'abord, point à la ligne. Puis le thème parvient à aboutir jusqu'à la fin du béant début du trou. Crac. Aïe. Puis point à la ligne. Thème. Enfin, ce ne peut être fini. Car d'enfin, il n'y a point à la ligne qu'en rêve de songeuse. Ainsi est le rêve à la fin. Le thème de durée est abordé. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Pourtant, si inabordable. Sans dire. Listen to this crap, the whole goddamn night is gonna last, and it's the whole goddamn shit all over again. Ce qui signifie en français, eh bien, non, ce ne se peut. Ô diantre, fichtre, foutre Dieu, comment puis-je trouver ma voie dans une perdition pareille? Oh, oh, oh, oh. Je viens d'avoir un souci technique avec la station debout, donc je me suis assis, voilà. Je pensais que vous le dire, ça aurait pas mal. Puis je partage, n'est-ce pas on a une complicité, vous et moi, je me le sens. C'est bon d'ailleurs, ça sent très bon, ça sent vraiment...

Bienvenue à l'écoute de Canal Sud 92.2 FM si vous venez de nous rejoindre ou si vous êtes en bagnole en train de vous balader sur le périph en passant par Toulouse. Canal Sud, anciennement Barbe Rouge, bon, on se connaît l'histoire, hein. C'est une radio associative libre. Et Nuisance, une émission de libre expression, entre autres, à tendance bruiteuse, pour dire le moins. Nous sommes tous donc les malvenus en cet enfer qu'est la vie. Solidarité, évidemment. Fraternité, peut-être. Complicité avec vous. Oui. Pourquoi pas. Mais une chose va de travers. Et j'en suis à présent certain. C'est pas le déclic le problème. C'est le clic. Ouais. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui est Nuisance, cette émission et toutes les nuisances. Il est 22h30 passé. L'émission Nuisance bat son plein de 21h à 23h tous les vendredis sur l'antenne du Canal Sud 92.2 FM1 ou du www.canalsud.net. Ouais, bien. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, le téléphone le 05 61 53 36 95. Le téléphone le 05 61 53 36 95. Vous êtes les malvenus. Nous sommes tous les malvenus. C'est tout. De musique et on va reprendre l'émission dans quelques minutes. Ouais, non, peu de temps. We'll be right back.

Ah, le micro est allumé, merci. Excusez-moi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Oh.

where everything seems the same. There's somewhere downward where everything seems the same. There's somewhere downward where everything seems the same. There's somewhere downward where everything seems the same. There's somewhere downward where everything seems the same. There's somewhere downward where everything seems the same. Il y a quelque part, en descendant, un lieu où tout paraît être pareil, où tout paraît semblable. Ce lieu, c'est vers le bas que l'on trouve ce lieu. Et il y a un lieu quelque part où tout semble être la même chose, être la même chose, être la même chose, être la même chose. Être la même chose. Les nuisances, eh bien nuisances, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, est finie pour le 12 août 2016, car il est 23h et que l'émission nuisances dure de 21h à 23h tous les vendredis sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je vous laisse avec la programmation éclectique et sinon variée de Canal Sud, Radio Libre ou Mourir.